Il était retourné à l'art industriel. Il y retourna une troisième fois et il vit enfin Arnoux qui se disputait au milieu de 5 ou 6 personnes et répondit à peine à son salut. Frédéric en fut blessé. Il n'en chercha pas moins comment parvenir jusqu'à elle. Il eut d'abord l'idée de se présenter souvent pour marchander les tableaux. Puis il songea à glisser dans la boîte du journal quelques articles, entre guillemets, très forts, ce qui amènerait des relations. Peut-être valait-il mieux courir droit au but, déclarer son amour. Alors, il composa une lettre de 12 pages, pleine de mouvements lyriques et d'apostrophes. Mais il la déchira et ne fit rien, ne tenta rien, immobilisé par la peur de l'insuccès. Au-dessus de la boutique d'Arnoux, il y avait au premier étage 3 fenêtres éclairées chaque soir. Des ombres circulaient par derrière, une surtout. C'était la sienne. Il se dérangeait de très loin pour regarder ses fenêtres et contempler cette ombre. Une négresse qu'il croisa un jour dans les Tuileries, tenant une petite fille par la main, lui rappela la négresse de Madame Arnoux. Elle devait y venir comme les autres. Toutes les fois qu'il traversait les Tuileries, son cœur battait, espérant la rencontrer. Les jours de soleil, il continuait sa promenade jusqu'au bout des Champs-Élysées. Des femmes, nonchalamment assises dans des calèches et dont les voiles flottaient au vent, défilaient près de lui, au pas ferme de leurs chevaux, avec un balancement insensible qui faisait craquer les cuirs vernis. Les voitures devenaient plus nombreuses et, se ralentissant à partir du rond-point, elles occupaient toute la voie. Les crinières étaient près des crinières, les lanternes près des lanternes. Les étriers d'acier, les gourmettes d'argent, les boucles de cuivre jetaient çà et là des points lumineux entre les culottes courtes, les gants blancs et les fourrures qui retombaient sur le blason des portières. Il se sentait comme perdu dans un monde lointain. Ses yeux erraient sur les têtes féminines et de vagues ressemblances amenaient à sa mémoire Madame Arnoux. Il se la figurait, au milieu des autres, dans un de ces petits coupés pareils aux coupés de Madame d'Ambreuse. Mais le soleil se couchait et le vent froid soulevait des tourbillons de poussière. Les cochers baissaient le menton dans leur cravate, les roues se mettaient à tourner plus vite, le macadam grinçait. Et tous les équipages descendaient au grand trot la longue avenue en se frôlant, se dépassant, s'écartant les uns des autres, puis, sur la place de la Concorde, se dispersaient. Derrière les Tuileries, le ciel prenait la teinte et les ardoises. Les arbres du jardin formaient 2 masses énormes, violacées par le sommet. Les becs de gaz s'allumaient. Et la Seine, verdâtre dans toute son étendue, se déchirait en moire d'argent contre les piles des ponts.